Le roman d'un enfant, chapitre 31 à 40. Après mes 9 ans révolus, on parla un instant de me mettre au collège, afin de m'habituer aux misères de ce monde. Et tandis que cette question s'agitait en famille, je vécus quelques jours dans la terreur de cette prison-là, dont je connaissais de vue les murs et les fenêtres garnies de treillages en fer. Mais on trouva, après réflexion, que j'étais une petite plante trop délicate et trop rare pour subir le contact de ces autres enfants qui pouvaient avoir des jeux grossiers, de vilaines manières. On conclut donc à me garder encore. Cependant, je fus délivrée de M. Ratin. Un bon vieux professeur à figure ronde lui succéda, qui me déplaisait moins, mais avec lequel je ne travaillais pas davantage. L'après-midi, quand approchait l'heure de son arrivée, ayant bâclé mes devoirs à la hâte, j'étais toujours postée à ma fenêtre pour le guetter derrière mes persiennes, avec mon livre de leçons ouvert au passage qu'il fallait apprendre. Dès que je le voyais poindre, à un tournant, tout au bout de la rue là-bas, je commençais à étudier. Et en général, quand il entrait, je savais assez pour mériter au moins la note assez bien, qui ne me faisait pas gronder. J'avais aussi mon professeur d'anglais qui venait tous les matins et que j'appelais Aristogiton. Je n'ai jamais su pourquoi. D'après la méthode Robertson, il me faisait paraphraser l'histoire du sultan Mahmoud. C'était du reste le seul qui vit clair dans la situation. Sa conviction intime était que je ne faisais rien. Rien, moins que rien. Mais il montrait le bon goût de ne pas se plaindre et je lui en avais une reconnaissance qui devint bientôt affectueuse. L'été, pendant les très chaudes journées, c'était dans la cour que je faisais mine de travailler. J'encombrais de mes cahiers, de mes livres tachés d'encre, une table verte abritée sous un berceau de lierre, de vigne et de chèvrefeuille. Et comme on était bien là, pour flâner dans une sécurité absolue, à travers les treillages et les branches vertes, sans être vu, on voyait de si loin venir les dangers. J'avais toujours soin d'emporter avec moi, dans cette retraite, une provision de cerises ou de raisins, suivant la saison. Et vraiment, j'aurais passé là des heures de rêverie tout à fait délicieuses. Sans ces remords obstinés qui me revenaient à chaque instant, ces remords de ne pas faire mes devoirs. Entre les feuillages retombants, j'apercevais de tout près ce frais bassin entouré de grottes lilliputiennes pour lequel j'avais un culte depuis le départ de mon frère. Sur sa petite surface réfléchissante, remuée par le jet d'eau, dansaient des rayons de soleil, qui remontaient ensuite obliquement et venaient mourir à ma voûte de verdure, à l'envers des branches, sous forme de moire lumineuse sans cesse agitée. Ce berceau était un petit recoin d'ombre tranquille, où je me faisais des illusions de vraie campagne. Par-dessus les vieux murs bas, j'écoutais chanter les oiseaux exotiques dans les volières de la maman d'Antoinette, et aussi les oiseaux libres, les hirondelles au rebord des toits, ou les plus simples moineaux dans les arbres des jardins. Quelquefois, je m'étendais de tout mon long sur les bancs verts qui étaient là, pour regarder, par les trous du chèvrefeuille, les nuages blancs passer sur le ciel bleu. Je m'initiais aux mœurs intimes des moustiques qui toute la journée tremblotent sur leurs longues pattes posées à l'envers des feuilles. Ou bien je concentrais mon attention captivée sur le vieux mur du fond où se passaient, entre insectes, des drames terribles. Des araignées sournoises, brusquement sorties de leurs trous, attrapaient de pauvres petites bestioles étourdies, que je délivrais presque toujours en intervenant avec un brin de paille. J'avais aussi, j'oubliais de le dire, la compagnie d'un vieux chat, tendrement aimée, que j'appelais la suprématie, et qui fut le compagnon fidèle de mon enfance. La suprématie, sachant les heures où je me tenais là, arrivait discrètement sur la pointe de ses pattes de velours, mais ne sautait sur moi qu'après m'avoir interrogé d'un long regard. Il était très laid, le pauvre, taché bizarrement sur une seule moitié de la figure. De plus, un accident cruel lui avait laissé la queue de travers, cassé à angle droit. Aussi devint-il bientôt un sujet de continuelle moquerie pour Lucette, chez qui, au contraire, d'adorables chattes de Zangora se succédaient en dynastie. Quand j'allais la voir, après s'être informée de toutes les personnes de ma famille, elle manquait rarement d'ajouter, avec une impayable condescendance qui suffisait à me donner le fou rire. « Eh, ton horreur de chat! Est-il en bonne santé, mon enfant ?» Cependant, mon musée faisait de grands progrès et il avait fallu y placer des étagères nouvelles. Le grand-oncle le visitait très souvent et, de plus en plus intéressé à mon penchant pour l'histoire naturelle, trouvait dans ses réserves de coquilles une quantité de doubles dont il me faisait cadeau. Avec une bonté et une patience infatigables, il m'apprenait les savantes classifications de Cuvier, Linné, Lamarck ou Bruguière. Et je m'étonne de l'attention que j'y prêtais. Sur un petit bureau très ancien qui faisait partie du mobilier de mon musée, j'avais un cahier où, d'après ses notes, je recopiais, pour chaque coquille étiquetée soigneusement, le nom de l'espèce, du genre, de la famille, de la classe, puis du lieu d'origine. Et là, dans le demi-jour atténué qui tombait sur ce bureau, dans le silence de ce petit recoin haut perché, isolé, rempli déjà d'objets venus des plus extrêmes lointains du monde ou des derniers fins fonds de la mer, quand mon esprit s'était longuement inquiété du changeant mystère des formes animales et de l'infinie diversité des coquilles, avec quelle émotion je transcrivais sur mon cahier, en face du nom d'un spirifère ou d'un térébratule, des mots comme ceux-ci, enchantés et pleins de soleil. Côte orientale d'Afrique, côte de Guinée, mer des Indes. Dans ce même musée, je me rappelle avoir éprouvé, par une après-midi de mars, un des plus singuliers symptômes de ce besoin de réaction qui, plus tard, à certaines périodes de complète détente, devait me pousser vers le bruit, le mouvement, la gaieté simple et brutale des matelots. C'était le Mardi Gras. Au beau soleil, j'étais sortie avec mon père pour voir un peu les mascarades dans les rues. Et puis, rentrée de bonne heure, je m'étais tout de suite rendue là-haut pour m'amuser à mes classifications de coquillages. Mais les cris lointains des masques et le bruit de leurs tambours venaient me poursuivre jusque dans ma retraite de jeune savant et m'y apportaient une insupportable tristesse. C'était en beaucoup plus pénible, une impression dans le genre de celle que me causait le chant de la vieille marchande de gâteaux quand elle allait se perdre du côté des rues basses et des remparts les nuits d'hiver. Cela devenait une vraie angoisse, subite, inattendue, mais fort mal définie. Confusément, je souffrais d'être enfermée, moi, et penchée sur des choses arides, bonnes pour des vieillards, qu'en dehors les petits garçons du peuple, de tous les âges, de toutes les tailles, et les matelots, plus enfants qu'eux, couraient, sautaient, chantaient à plein gosier, ayant sur la figure des masques de dessous. Je n'avais aucune envie de les suivre, cela va sans dire. J'en sentais même l'impossibilité avec le dégoût le plus dédaigneux. Et je tenais beaucoup à rester là, ayant à finir de mettre en ordre la famille multicolore des purpurifères, 23e des gastéropodes. Mais c'est égal. Ils me troublaient bien étrangement, ces gens de la rue. Et alors, me sentant en détresse, je descendis chercher ma mère, la prier avec instance de monter me tenir compagnie. Étonnée de ma demande, car je ne conviais jamais personne dans ce sanctuaire, étonnée surtout de mon air anxieux, elle me dit d'abord en plaisantant que c'était ridicule de la part d'un garçon de 10 ans bientôt accompli, mais elle consentit tout de suite à venir et s'installa, presque un peu inquiète, auprès de moi dans mon musée, une broderie à la main. Oh, alors, rassérénée, réchauffée par sa bienfaisante présence, je me remis à l'ouvrage sans plus me soucier des masques, et en regardant seulement de temps à autre son cher profil se découper en silhouette sur le carré clair de ma petite fenêtre, tandis que baissait le jour de mars. Je m'étonne de ne plus me rappeler par quelle transformation, lente ou subite, ma vocation de pasteur devint une vocation plus militante de missionnaire. Il me semble même que j'aurais dû trouver cela beaucoup plus tôt, car de tout temps je m'étais tenue au courant des missions évangéliques, surtout de celles de l'Afrique australe, au pays des Basutos. Et depuis ma plus petite enfance, j'étais abonnée au Messager, journal mensuel dont l'image d'en-tête m'avait frappée de si bonne heure. Cette image, je pourrais la ranger en première ligne parmi celles dont j'ai parlé précédemment et qui arrivent à impressionner en dépit du dessin, de la couleur ou de la perspective. Elle représentait un palmier invraisemblable, au bord d'une mer derrière laquelle se couchait un soleil énorme. Et, au pied de cet arbre, un jeune sauvage regardant venir, du bout de l'horizon, le navire porteur de la bonne nouvelle du salut. Dans mes commencements tout à fait, quand au fond de mon petit nid rembourré de ouates, le monde ne m'apparaissait encore que déformé et grisâtre, cette image m'avait donné à rêver beaucoup. J'étais capable à présent d'apprécier tout ce qu'elle avait d'enfantin comme exécution. Mais je continuais de subir le charme de cet immense soleil, à demi abîmé dans cette mer, et de ce petit bateau des missions arrivant à pleine voile vers ce rivage inconnu. Donc, quand on me questionnait maintenant, je répondais « Je serai missionnaire ». Mais je baissais la voix pour le dire, comme quand on ne se sent pas très sûr de ses forces. Et je comprenais bien aussi qu'on ne me croyait plus. Ma mère elle-même accueillait cette réponse avec un sourire triste. D'abord, c'était dépasser ce qu'elle demandait de ma foi. Et puis elle pressentait sans doute que ce ne serait point cela, que ce serait autre chose, de plus tourmenté et de tout à fait impossible à démêler pour le moment. Missionnaire ! Il semblait cependant que cela conciliait tout. C'était bien les lointains voyages, la vie aventureuse et sans cesse risquée, mais au service du Seigneur et de sa sainte cause. Cela mettait pour un temps ma conscience en repos. Ayant imaginé cette solution-là, j'évitais d'y arrêter mon esprit, de peur d'y découvrir encore quelque épouvante. Du reste, l'eau glacée des sermons banals, d'Hérodite, du patois religieux, continuait de tomber sur ma foi première. Et par ailleurs, ma crainte ennuyée de la vie et de l'avenir s'augmentait toujours. En travers de ma route noire, le voile de plomb demeurait baissé, impossible à soulever avec ses grands plis lourds. Dans ce qui précède, je n'ai pas assez parlé de cette Limoise qui fut le lieu de ma première initiation aux choses de la nature. Toute mon enfance est intimement liée à ce petit coin du monde, à ces vieux bois de chêne, à son sol pierreux que recouvrent des tapis de serpolets ou des bruyères. Pendant 10 ou 12 étés rayonnants, j'y passais tous mes jeudis d'écolier, et de plus j'en rêvais, d'un jeudi à l'autre, pendant les ennuyeux jours du travail. Dès le mois de mai, nos amis les Dés s'installaient dans cette maison de campagne avec Lucette pour y rester, après les vendanges, jusqu'aux premières fraîcheurs d'octobre, et on m'y conduisait régulièrement tous les mercredis soirs. Rien que de s'y rendre me paraissait déjà une chose délicieuse. Très rarement en voiture, car elle n'était guère qu'à 5 ou 6 kilomètres, cette Limoise, bien qu'elle me semblât très loin, très perdue dans les bois. C'était vers le sud, dans la direction des pays chauds. J'en aurais trouvé le charme moins grand si c'eût été du côté du nord. Donc, tous les mercredis soirs, au déclin du soleil, à des heures variables suivant les mois, je partais de la maison en compagnie du frère aîné de Lucette, grand garçon de 18 ou 20 ans, qui me faisait l'effet alors d'un homme d'âge mûr. Autant que possible, je marchais à 100 pas, plus vite par conséquent que dans mes promenades habituelles avec mon père et ma sœur. Nous descendions par les tranquilles quartiers bas pour passer devant cette vieille caserne des matelots dont les bruits bien connus de clairons et de tambours venaient jusqu'à mon musée les jours de vent du sud. Puis nous franchissions les remparts par la plus ancienne et la plus grise des portes, une porte assez abandonnée, où ne passent plus guère que des paysans, des troupeaux. Et nous arrivions enfin sur la route qui mène à la rivière. 2 kilomètres d'une avenue bien droite, bordée en ce temps-là de vieux arbres rabougris, qui étaient absolument jaunes de lichen, et qui portaient tous la chevelure inclinée vers la gauche à cause des vents marins, soufflant constamment de l'ouest dans les grandes prairies vides d'alentour. Pour les gens qui ont sur le paysage des idées de convention et auxquels il faut absolument le site de Vignette, l'eau courante entre les peupliers et la montagne surmontée du vieux château, pour ces gens-là, il est admis d'avance que cette pauvre route est très laide. Moi, je la trouve esquisse, malgré les lignes unies de son horizon. De droite et de gauche, rien cependant, rien que des plaines d'herbage où des troupeaux de bœufs se promènent. Et en avant, sur toute l'étendue du lointain, quelque chose qui semble murer les prairies, un peu tristement, comme un long rempart. C'est l'arête du plateau pierreux d'en face, au bas duquel la rivière coule. C'est l'autre rive, plus élevée que celle-ci, d'une nature différente, mais aussi plane, aussi monotone. Et dans cette monotonie réside précisément pour moi le charme très incompris de nos contrées. Sur de grands espaces, souvent la tranquillité de leur ligne est ininterrompue et profonde. Dans nos environs, cette vieille route est du reste celle que j'aime le plus. Probablement parce que beaucoup de mes petits rêves d'écolier sont restés posés sur ces lointains plats, où de temps en temps il m'arrive de les retrouver encore. Elle est la seule aussi qu'on ne m'ait pas défigurée avec des usines, des bassins ou des gares. Elle est absolument à moi, sans que personne s'en doute, ni ne songe par conséquent à m'en contester la propriété. La somme de charme que le monde extérieur nous fait l'effet d'avoir réside en nous-mêmes, émane de nous-mêmes. C'est nous qui la répandons, pour nous seuls, bien entendu, et elle ne fait que nous revenir. Mais je n'ai pas cru assez tôt à cette vérité pourtant bien connue. Pendant mes premières années, toute cette somme de charme était donc localisée dans les vieux murs ou les chèvrefeuilles de ma cour, dans nos sables de l'île, dans nos plaines d'herbages ou de pierres. Plus tard, en éparpillant cela partout, je ne réussis qu'à en fatiguer la source. Et j'ai, hélas, beaucoup décoloré, rapetissé à mes propres yeux ce pays de mon enfance, qui est peut-être celui où je reviendrai mourir. Je n'arrive plus que par instant et par endroit à m'y faire les illusions de jadis. J'y suis poursuivi, naturellement, par de trop écrasants souvenirs d'ailleurs. J'en étais à dire que tous les mercredis soirs, je prenais d'un pas joyeux cette route-là pour me diriger vers cette assise lointaine de rochers qui fermait là-bas les prairies, vers cette région des chênes et des pierres, où la Limoise est située et que mon imagination d'alors grandissait étrangement. La rivière qu'il fallait traverser était au bout de l'avenue, si droite de ces vieux arbres que rongeait la lichen couleur d'or et que tourmentaient les vents d'ouest. Très changeante, cette rivière soumise aux marées et à tous les caprices de l'océan voisin. Nous la passions dans un bac ou dans une yole, toujours avec les mêmes bateliers de tout temps connus, anciens matelots aux barbes blanches et aux figures noircies de soleil. Sur l'autre rive, la rive des pierres, j'avais l'illusion d'un recul subi de la ville que nous venions de quitter et dont les remparts gris se voyaient encore. Dans ma petite tête, les distances s'exagéraient brusquement. Les lointains fuyaient. C'est qu'aussi tout était changé, le sol, les herbes, les fleurettes sauvages et les papillons qui venaient s'y poser. Rien n'était plus ici comme dans ces abords de la ville, marais et prairies, où se faisaient mes promenades des autres jours de la semaine. Et ces différences que d'autres n'auraient pas aperçues devaient me frapper et me charmer beaucoup. Moi qui perdais mon temps à observer si minutieusement les plus infimes petites choses de la nature, qui m'abîmait dans la contemplation des moindres mousses. Même les crépuscules de ces mercredis avaient je ne sais quoi de particulier que je définissais mal. Généralement, à l'heure où nous arrivions sur cette autre rive, le soleil se couchait. Et ainsi, regardé du haut de l'espèce de plateau solitaire où nous étions, il me paraissait s'élargir plus que de coutume, tandis que s'enfonçait son disque rouge derrière les plaines de haut foin que nous venions de quitter. La rivière ainsi franchie, nous laissions tout de suite la grande route pour prendre des sentiers à peine tracés, dans une région odieusement profanée aujourd'hui, mais exquise en ce temps-là, qui s'appelait les Chaumes. Ces Chaumes étaient un bien communal, dépendant d'un village dont on apercevait là-bas l'antique église. N'appartenant donc à personne, ils avaient pu garder intacte leur petite sauvagerie relative. Il n'était qu'une sorte de plateau de pierre d'un seul morceau, légèrement ondulé et couvert d'un tapis de plantes sèches, courtes, odorantes, qui craquaient sous les pas. Tout un monde de minuscules papillons, de microscopiques mouches, vivaient là, bizarrement colorées, sur des fleurettes rares. On rencontrait aussi quelquefois des troupeaux de moutons, avec des bergères qui les gardaient, bien plus paysannes, plus noircies au grand air que celles des environs de la ville. Et ces chaumes mélancoliques, brûlés de soleil, étaient pour moi comme le vestibule de la Limoise. Ils en avaient déjà le parfum de serpolet et de marjolaine. Au bout de cette petite lande apparaissait le hameau du Frelin. Or, j'aimais ce nom de Frelin. Il me semblait dérivé de ces gros frelons terribles des bois de la Limoise, qui nichaient dans le cœur de certains chênes et qu'on détruisait au printemps en allumant de grands feux alentour. Trois ou quatre maisonnettes composaient ce hameau. Toutes basses, comme c'est l'usage dans nos pays, elles étaient vieilles, vieilles, grisâtres, des fleurons gothiques. Des blasons à moitié effacés surmontaient leurs petites portes rondes. Presque toujours entrevues à la même heure, à la lumière mourante, à la tombée du crépuscule, elles évoquaient dans mon esprit le mystère du temps passé. Surtout, elles attestaient l'antiquité de ce sol rocheux, très antérieur à nos prairies de la ville, qui ont été gagnées sur la mer, et où rien ne remonte beaucoup plus loin que l'époque de Louis XIV. Après le Frelin, je commençais à regarder en avant de moi dans les sentiers, car en général, on ne tardait pas à apercevoir Lucette, venant à notre rencontre, en voiture ou à pied, avec son père ou sa mère. Et dès que je l'avais reconnue, je prenais ma course pour aller l'embrasser. On franchissait le village, en longeant l'église, une antique petite merveille du XIIe siècle, du style roman le plus reculé et le plus rare. Alors le crépuscule s'éteignant toujours, on voyait surgir devant soi une haute bande noire, les bois de la Limoise, composés surtout de chênes verts, dont le feuillage est si sombre. Puis on s'engageait dans les chemins particuliers du domaine. On passait devant le puits où les bœufs attendaient leur tour pour boire. Et enfin, on ouvrait le vieux petit portail. On pénétrait dans la première cour, espèce de préau d'herbe, déjà plongé dans l'ombre tout à fait obscure de ces arbres de 100 ans. L'habitation était entre cette cour et un grand jardin, un peu à l'abandon, qui confinait au bois de chêne. En entrant dans les appartements très anciens, aux murailles peintes, à la chaux blanche et aux boiseries d'autrefois, je cherchais d'abord des yeux ma papillonnette, toujours accrochée à la même place, prête pour les chasses du lendemain. Après dîner, on allait généralement s'asseoir au fond du jardin, sur les bancs d'un berceau adossé au vieux mur d'enceinte, adossé à tout l'inconnu de la campagne noire où chantaient les hiboux des bois. Et tandis qu'on était là, dans la belle nuit tiède semée d'étoiles, dans le silence sonore plein de musique de grillons, tout à coup, une cloche commençait à tinter, très loin, mais très claire, là-bas, dans l'église du village. Oh, l'Angélus déchillait, entendu dans ce jardin par ces beaux soirs d'autrefois. Oh, le son de cette cloche, un peu fêlée mais argentine encore, comme ces voix très vieilles qui ont été jolies et qui sont restées douces. Quel charme de passé, de recueillement mélancolique et de paisible mort. Ce son-là venait répandre dans l'obscurité limpide de la campagne. Et la cloche tintait longtemps, inégale dans le lointain, tantôt assourdis, tantôt rapprochés, au gré des souffles tièdes qui remuaient l'air. Je songeais à tous les gens qui devaient l'écouter, dans les fermes isolées. Je songeais surtout aux endroits déserts d'alentour, où il n'y avait personne pour l'entendre, et un frisson me venait à l'idée des bois proches voisins, où sans doute les dernières vibrations devaient mourir. Un conseil municipal, composé d'esprits supérieurs, après avoir affublé le pauvre vieux clocher roman d'une potence avec un drapeau tricolore, a supprimé maintenant cet angélus. Donc, c'est fini. On n'entendra plus jamais, les soirs d'été, cet appel séculaire. Aller se coucher ensuite était une chose très égayante, surtout avec la perspective du lendemain jeudi qui prédisposait à s'amuser de tout. J'aurais sans doute eu peur dans les chambres d'amis qui étaient au rez-de-chaussée de la grande maison solitaire. Aussi, jusqu'à ma 12e année, m'installait-on en haut dans l'immense chambre de la mère de Lucette, derrière des paravents, qui me faisaient un logis particulier. Dans mon réduit se trouvait une bibliothèque Louis XV, vitrée, remplie de livres de navigation du siècle dernier, de journaux de marine fermés depuis 100 ans. Et sur la chaux blanche du mur, il y avait tous les étés les mêmes imperceptibles petits papillons qui entraient dans le jour par les fenêtres ouvertes et qui dormaient là, posés, les ailes étendues. Des incidents qui complétaient la soirée survenaient toujours au moment où on allait s'endormir. Une intempestive chauve-souris qui faisait son entrée, tournoyant comme une folle autour des flambeaux. Ou une énorme phalène bourdonnante qu'il fallait chasser avec un hareng de Loire. Ou bien encore, quelque orage se déchaînait, tourmentant les arbres voisins qui battaient le mur de leurs branches, rouvrant les vieilles fenêtres qu'on avait fermées, ébranlant tout. J'ai un souvenir effrayant et magnifique de ces orages de la Limoise, tels qu'ils m'apparaissaient à cette époque, où tout était plus grand qu'aujourd'hui et palpitait d'une vie plus intense. C'est vers le moment où j'en suis rendue, ma 11e année environ, que se place l'apparition d'une nouvelle petite amie, appelée à être bientôt en très haute faveur enfantine auprès de moi. Antoinette avait quitté le pays. Véronique était oubliée. Elle s'appelait Jeanne, et elle était d'une famille d'officiers de marine liée à la nôtre, comme celle des Dés, depuis un bon siècle. Son aînée de 2 ou 3 ans, je n'avais guère pris garde à elle au début, la trouvant trop bébé sans doute. Elle avait d'ailleurs commencé par montrer une petite figure de chat très drôle. Impossible de savoir ce qui sortirait de son minois trop fin. Impossible de deviner si elle serait vilaine ou jolie. Puis, bientôt, elle passa par une certaine gentillesse et finit par devenir tout à fait mignonne et charmante sur ses 8 ou 10 ans. Très malicieuse, aussi sociable que j'étais sauvage, aussi lancée dans les bals et les soirées d'enfants que j'en étais tenue à l'écart, elle me semblait alors posséder le dernier mot de l'élégance mondaine et de la coquetterie comme il faut. Et malgré la grande intimité de nos familles, il était manifeste que ses parents voyaient nos relations d'un mauvais œil, trouvant mal à propos sans doute qu'elle eut pour camarade un garçon. J'en souffrais beaucoup. Et les impressions des enfants sont si vives et si persistantes qu'il a fallu des années passées. Il a fallu que je devinsse presque un jeune homme pour pardonner à son père et à sa mère les humiliations que j'en avais ressenties. Il en résultait pour moi un désir d'autant plus grand d'être admis à jouer avec elle. Et elle, alors, sentant cela, faisait sa petite princesse inaccessible de contes de fées, raillait impitoyablement mes timidités, mes gaucheries de maintien, mes entrées manquées dans les salons. C'était entre nous un échange de pointes très comiques ou d'impayables petites galanteries. Quand j'étais invitée à passer une journée chez elle, j'en jouissais à l'avance, mais j'en avais généralement du déboire après, car je commettais toujours des maladresses dans cette famille, où je me sentais incompris. Et chaque fois que je voulais la voir à dîner à la maison, Il fallait que ce fût négocié de longue main par grand-tante Berthe, qui faisait autorité chez ses parents. Or, un jour qu'elle revenait de Paris, cette petite Jeanne me conta avec admiration la féerie de peau d'âne qu'elle avait vue jouer. Elle ne perdit pas son temps cette fois-là, car peau d'âne devait m'occuper pendant 4 ou 5 années, me prendre les heures les plus précieuses que j'ai jamais gaspillées dans le cours de mon existence. En effet, nous conçûmes ensemble l'idée de monter cela sur un théâtre qui m'appartenait. Cette peau d'âne nous rapprocha beaucoup. Et peu à peu, ce projet atteignit dans nos têtes des proportions gigantesques. Il grandit pendant des mois et des mois, nous amusant toujours plus à mesure que nos moyens d'exécution se perfectionnaient. Nous brossions de fantastiques décors. Nous habillions pour les défilés d'innombrables petites poupées. Vraiment, je serais obligée de reparler plusieurs fois de cette féerie qui a été une des choses capitales de mon enfance. Et même après que Jeanne s'en fût lassée, je continuais seule, surenchérissant toujours, me lançant dans des entreprises réellement grandioses de clair de lune, d'embrasement, d'orage. Je fis aussi des palais merveilleux, des jardins d'Aladin, tous les rêves d'habitation enchantée, de luxe étrange que j'ai plus ou moins réalisé plus tard dans divers coins du monde, ont pris forme pour la première fois sur ce théâtre de peau d'âne. Au sortir de mon mysticisme des commencements, je pourrais presque dire que toute la chimère de ma vie a été d'abord essayée, mise en action sur cette très petite scène-là. J'avais bien 15 ans, lorsque les derniers décors inachevés s'enfermèrent pour jamais dans les cartons qui leur servent de tranquille sépulture. Et puisque j'en suis à anticiper ainsi sur l'avenir, je note ceci pour terminer. Ces dernières années, avec Jeanne devenue une belle dame, nous avons formé 20 fois le projet de rouvrir ensemble les boîtes où dorment nos petites poupées mortes. Mais la vie à présent s'en va si vite que nous n'avons jamais trouvé le temps, ni ne le trouverons jamais. Nos enfants, peut-être plus tard, ou qui sait nos petits-enfants, un jour futur, quand on ne pensera plus à nous, ses successeurs inconnus en furetant au fond des plus mystérieux placards feront l'étonnante découverte de légions de petits personnages, nymphes, fées et génies, qui furent habillés par nos mains. Il paraît que certains enfants du pays du centre ont une préoccupation grande de voir la mer. Moi qui n'étais jamais sortie de nos plaines monotones, je rêvais de voir des montagnes. Je me représentais de mon mieux ce que cela pouvait être. J'en avais vu dans plusieurs tableaux. J'en avais même peint dans des décors de peau d'âne. Ma sœur, pendant un voyage autour du lac de Lucerne, m'en avait envoyé des descriptions, m'en avait écrit de longues lettres, comme on n'en adresse pas d'ordinaire à des enfants de l'âge que j'avais alors. Et mes notions s'étaient complétées de photographies de glaciers qu'elle m'avait rapportées pour mon stéréoscope. Mais je désirais ardemment voir la réalité de ces choses. Or, un jour, comme un souhait, une lettre arriva, qui fut tout un événement dans la maison. Elle était d'un cousin germain de mon père, élevé jadis avec lui fraternellement, mais qui, pour je ne sais quelle cause, n'avait plus donné signe de vie depuis 30 ans. Quand je vins au monde, on avait déjà complètement cessé de parler de lui dans la famille. Aussi ignorais-je son existence. Et c'était lui qui écrivait, demandant que le lien fût renoué. Il habitait, disait-il, une petite ville du Midi, perdue dans les montagnes, et il annonçait qu'il avait des fils et une fille dans les âges de mon frère et de ma sœur. Sa lettre était très affectueuse, et on lui répondit de même en lui apprenant notre existence à tous les trois. Puis, la correspondance ayant continué, il fut décidé qu'on m'enverrait passer les vacances chez eux, avec ma sœur qui jouerait là, comme pendant nos voyages dans l'île, son rôle de mère auprès de moi. Ce Midi, ces montagnes, cet agrandissement subit de mon horizon, et aussi ses nouveaux cousins tombés du ciel. Tout cela devint l'objet de mes constantes rêveries jusqu'au mois d'août, moment fixé pour notre départ. La petite Jeanne était venue passer la journée à la maison. C'était à la fin de mai, pendant ce même printemps d'attente, et j'avais 12 ans. Toute l'après-midi, nous avions fait manœuvrer sur la scène des poupées de 5 à 6 cm de long, en porcelaine articulée. Nous avions peint des décors, nous avions travaillé à peau d'âne, enfin, mais à peau d'âne première manière, au milieu d'un grand fouillis de couleurs, de pinceaux, de retailles, de cartons, de papier doré et de morceaux de gaz. Puis, l'heure de descendre à la salle à manger approchant, nous avions serré nos précieux travaux dans une grande caisse qui y fut consacrée depuis ce jour-là, et dont l'intérieur, en sapin neuf, avait une odeur résineuse très persistante. Après dîner, pendant le long crépuscule tranquille, on nous emmena tous deux ensemble à la promenade. Mais, surprise qui commença de m'attrister, dehors il faisait presque froid. Et ce ciel de printemps avait un voile qui rappelait l'hiver. Au lieu de nous conduire hors de ville, vers les allées et les routes, toujours animées de promeneurs, ce fut du côté du grand jardin de la marine, lieu plus comme il faut, mais solitaire tous les soirs après le soleil couché. En nous y rendant par une longue rue droite où il n'y avait aucun passant, comme nous arrivions près de la chapelle des Orphelines, nous entendîmes sonner et psalmodier pour le mois de mars. Puis un cortège sortit, des petites filles en blanc qui semblaient avoir froid sous leur mousseline de mai. Après avoir fait un tour dans le quartier des airs et avoir chanté une ritournelle mélancolique, la modeste procession avec ses deux ou trois bannières rentra sans bruit. Personne ne l'avait regardée dans la rue, où d'un bout à l'autre nous étions seuls. Le sentiment me vint que personne ne l'avait regardée non plus dans ce ciel tendu de gris, qui devait être également vide. Cette pauvre petite procession d'enfants abandonnés avait achevé de me serrer le cœur, en ajoutant à mon désenchantement sur les soirées de mai la conscience de la vanité des prières et du néant de tout. Dans le jardin de la marine, ma tristesse s'augmenta encore. Il faisait froid décidément, et nous frissonnions tout étonnés sous nos costumes de printemps. Il n'y avait du reste pas un seul promeneur nulle part. Les grands marronniers fleuris, les arbres feuillus d'une nuance fraîche et éclatante, se suivaient en longues enfilades touffues, absolument vides. La magnificence des verts s'étalait pour les regards de personne, sous un ciel immobile, d'un gris pâle et glacé. Et le long des parterres, c'était une profusion de roses, de pivoines, de lys, qui semblaient s'être trompés de saison et frissonner comme nous, sous ce crépuscule subitement refroidi. J'ai souvent trouvé du reste que les mélancolies des printemps dépassent celles des automnes. Sans doute parce qu'elles sont un contresens, une déception sur la seule chose du monde qui devrait au moins ne jamais nous manquer. Dans le désorientement où ces aspects me jetaient, l'envie me prit de faire à Jeanne une niche de gamin. Il me venait parfois de ces tentations-là avec elle, pour me venger de son esprit, plus précocement appointé et moqueur que le mien. Je l'engageais donc à sentir de près des lys qui étaient charmants, et tandis qu'elle se penchait, d'une très légère poussée derrière les cheveux, je lui mis le nez en plein dans les fleurs, pour la barbouiller de pollen jaune. Elle fut indignée, et le sentiment d'avoir commis un acte de mauvais goût acheva de me rendre pénible notre retour de promenade. Les belles soirées de mai. J'avais pourtant gardé de celles des années précédentes un souvenir autrement doux. Elles étaient donc ainsi, ce froid, ce ciel couvert, cette solitude des jardins. Et si vite, si mal finie, cette journée d'amusement avec Jeanne. En moi-même, je conclus à ce mortel. Ce n'est que ça qui est devenu dans la suite une de mes plus ordinaires réflexions et que j'aurais aussi bien pu prendre pour devise. En rentrant, j'allais inspecter dans le coffre de bois notre travail de l'après-midi. Et je sentis l'odeur balsamique des planches qui avait imprégné tous nos objets de théâtre. Eh bien, pendant très longtemps, pendant 1 an, 2 ans ou plus, cette même senteur du coffre de peau d'âne me rappela obstinément cette soirée de mai et son immense tristesse qui fut une des plus singulières de ma vie d'enfant. Du reste, dans ma vie d'homme, je n'ai plus guère retrouvé ces angoisses sans cause connue et doublées de cette anxiété de ne pas comprendre, de se sentir perdre pied toujours dans les mêmes insondables dessous. Je n'ai plus guère souffert sans savoir au moins pourquoi. Non, ces choses-là ont été spéciales à mon enfance, et ce livre aurait aussi bien pu porter ce titre. Dangereux, je le reconnais. Journal de mes grandes tristesses inexpliquées et des quelques gamineries d'occasion par lesquelles j'ai tenté de m'en distraire. C'est aussi vers cette époque que j'adoptais d'une façon presque exclusive la chambre de Tante Claire pour faire mes devoirs et travailler à peau d'âne. Je m'installai là comme en pays conquis, encombrant tout et n'admettant pas la possibilité d'être gênant. D'abord, Tante Claire était la personne qui me gâtait le plus, et si soigneuse de mes petites affaires. À propos d'un étalage de choses extraordinairement fragiles ou susceptibles de s'envoler au moindre souffle, comme par exemple les ailes de papillon ou les élytres de scarabée qui devaient orner les costumes des nymphes de la féerie. Quand une fois je lui avais dit « Je te confie tout ça, bonne tante. Je pouvais m'en aller tranquille. Personne n'y toucherait. » Et puis, une des attractions du lieu était l'ours aux pralines. J'entrais souvent rien que pour lui rendre visite. Il était en porcelaine et habitait un coin de la cheminée, assis sur son arrière-train. D'après une convention passée avec Tante Claire, chaque fois qu'il avait la tête tournée de côté, et il la tournait plusieurs fois par jour, c'est qu'il contenait dans son intérieur une praline ou un bonbon à mon intention. Quand j'avais mangé, je lui remettais soigneusement la figure au milieu pour indiquer mon passage, et je m'en allais. Tante Claire s'employait aussi à peau d'âne. Elle travaillait dans les costumes et je lui donnais sa tâche chaque jour. Elle avait surtout l'entreprise de la coiffure des fées et des nymphes. Sur leurs têtes de porcelaine, grosses comme le bout du petit doigt, elle posait des postiches de soie blonde, qu'elle frisait ensuite en boucles éparses au moyen d'imperceptibles fers. Puis, quand je me décidais à commencer mes devoirs, dans la fièvre de la dernière demi-heure, après avoir gaspillé mon temps en flânerie de tout genre, c'était encore Tante Claire qui venait à mon secours. Elle prenait en main l'énorme dictionnaire qu'il fallait et me cherchait mes mots pour les thèmes ou les versions. Elle s'était habituée même à lire le grec, afin de m'aider à apprendre mes leçons dans cette langue. Et pour cet exercice, je l'entraînais toujours dans un escalier, où je m'étendais aussitôt sur les marches, les pieds plus hauts que la tête, 2 ou 3 années durant. Ce fut ma pose classique pendant la récitation de la Cyropédie ou de l'Iliade. C'était une grande joie, quand le jeudi soir, quelque orage terrible se déchaînait sur la Limoise, rendant le retour impossible. Et cela arrivait. On en avait vu des exemples. Je pouvais donc à la rigueur me bercer de cette espérance les jours où mes devoirs n'étaient pas finis. Car un professeur sans pitié avait inauguré les devoirs du jeudi. Il fallait maintenant traîner avec soi là-bas des cahiers, des livres. Mes pauvres journées de plein air en étaient tout assombries. Or, un soir que l'orage désiré était venu avec une violence superbe, vers 8 heures nous nous tenions, Lucette et moi, pas trop rassurés, dans le grand salon sonore, au mur un peu nu, orné seulement de 2 ou 3 bizarres vieilles gravures dans de vieux cadres. Elle, mettant la dernière main à une réussite, sous les regards de sa maman, moi, jouant en sourdine un rigaudon de rameau sur un piano de campagne au son vieillot, et trouvant délicieuse cette musiquette du temps passé, ainsi mêlée au fracas lourd des grands coups de tonnerre. La réussite finie, Lucette feuilleta mes cahiers de devoirs qui traînaient sur une table, et après avoir, d'un clignement d'yeux, constaté pour moi seule que je n'avais rien fait, me dit tout à coup, Et ton histoire de Duruy, où l'as-tu mise ? Mon histoire de Duruy ? En effet, où était-il ce livre ? Un livre tout neuf, à peine barbouillé encore. Oh, mon Dieu, là-bas, oublié au fond du jardin, dans les derniers carrés d'asperges. Pour faire mes études historiques, j'avais adopté ces carrés d'asperges, qui, en été, deviennent des espèces de bocages d'une haute verdure herbacée très légère. De même que certaines allées de noisetiers, touffues, impénétrables, ombreuses comme un souterrain vert, étaient le lieu choisi pour le travail incomparablement plus pénible de la versification latine. Cette fois, par exemple, je fus grondée par la maman de Lucette, et on décida d'aller, séance tenante, au secours de ce livre. Une expédition s'organisa. En tête, un domestique portant une lanterne d'écurie. Derrière lui, Lucette et moi, en sabots, tenant à grand-peine un parapluie que le vent d'orage nous retournait sans cesse. Dehors, plus aucune frayeur. Mais j'ouvrais bien grand mes yeux, et j'écoutais de toutes mes oreilles. Oh, qu'il me paraissait étonnant et sinistre ce fond de jardin, vu par ces grandes lueurs de feu vert qui tremblaient, clignotaient, puis de temps en temps nous laissaient aveuglés dans la nuit noire. Et quelle impression me venait des bois de chênes voisins où se faisait un bruit continuel de fracassement de branches. Dans les carrés d'asperges, nous retrouvâmes toutes trempées d'eau, toutes éclaboussées de terre, cette histoire de Duruy. Avant l'orage, des escargots, émoustillés sans doute par la pluie prochaine, l'avaient même visité en tous sens, y dessinant des arabesques avec leurs baves luisantes. Eh bien, ces traînées d'escargots sur ce livre ont persisté longtemps, préservées par mes soins sous des enveloppes de papier. C'est qu'elles avaient le don de me rappeler mille choses. Grâce à ces associations, comme il s'en est fait de tout temps dans ma tête, entre les images mêmes les plus disparates, pourvu qu'elles aient été rapprochées une seule fois, à un moment favorable, par un simple hasard de simultanéité. La nuit, regardez à la lumière, ces petits zigzags luisants sur cette couverture de Duruy me rappelaient tout de suite le rigaudon de Rameau, le vieux son grêle du piano dominé par le bruit du grand orage. Et il ramenait aussi une apparition qui m'était venue ce soir-là, aidée par une gravure de Ténier accrochée à la muraille. Une apparition de petits personnages du siècle passé dansant à l'ombre, dans des bois comme ceux de la Limoise. Il renouvelait toute une évocation qui s'était faite en moi de gaieté pastorale du vieux temps, à la campagne, sous des chênes. Cependant, les retours du jeudi soir auraient eu aussi un grand charme quelquefois, n'eût été le remords de ces devoirs jamais finis. On me reconduisait en voiture, ou à âne, ou à pied jusqu'à la rivière. Une fois sorti du plateau pierreux de la rive sud, une fois repassé sur l'autre bord, je trouvais toujours mon père et ma sœur venus à ma rencontre. Et avec eux, je reprenais gaiement la route droite qui menait au logis, entre les grandes prairies. Je rentrais d'un bon pas, dans la joie de revoir maman, les tantes et la chère maison. Quand on entrait en ville, par la vieille porte isolée, il faisait tout à fait nuit, nuit d'été ou de printemps. En passant devant la caserne des équipages, on entendait les musiques familières de tambours et de clairons annonçant l'heure hâtive du coucher des matelots. Et en arrivant au logis, c'était généralement au fond de la cour que je retrouvais les chères robes noires, assises, à la belle étoile ou sous les chèvrefeuilles. Au moins, si les autres étaient rentrés, j'étais sûre de trouver là tante Berthe, seule, toujours indépendante de caractère, et dédaigneuse des rhumes du soir, des fraîcheurs du serein. Après m'avoir embrassée, elle flairait mes habits en reniflant un peu pour me faire rire et disait « Oh, tu sens la limoise, petit !» Et en effet, je sentais la limoise. Quand on revenait de là-bas, on rapportait toujours avec soi une odeur de serpolet, de thym, de mouton, de je ne sais quoi d'aromatique, qui était particulier à ce recoin de la terre.